son mépris pour le Sénat. Mais voici ce qui attira sur lui la haine la plus violente et la plus implacable. Les sénateurs étant venus encore lui présenter une foule de décrets les plus flatteurs, il est reçu assis devant le temple de Vénus Génétrix. Quelques écrivains disent que Cornelius Balbus le retint quand il voulut se lever, d'autres qu'il n'en fit même pas le mouvement, et que Gaius Trebatius, l'ayant averti de se lever, il jeta sur lui un regard sévère. Ce dédain parut d'autant plus intolérable que lui-même, dans un de ses triomphes, avait manifesté une vive indignation de ce qu'au moment où son char passait devant les sièges des tribuns, seul dans tout le collège, Pontus Aquila fut resté assis. Il s'était même écrié « Tribun Aquila, redemande-moi donc la République !» Et pendant plusieurs jours, il n'avait rien promis à personne qu'en y mettant cette condition, si toutefois Pontus Aquila le permet.